Ripaille à Versailles, ripaille à Versailles, ripaille à Versailles, ripaille à Versailles, ripaille à Versailles, ripaille à Versailles, ripaille à Versailles, ripaille à Versailles. Mes couilles sur les icônes, le mauvais goût ici, façon harakiri, fait couler un petit jaune, on trinque pour les salmons et pour tous ceux qui crient Abayashi, Abayashi, Abayashi, c'est pour tous ceux qui crient Abayashi, Abayashi, Abayashi, Versailles c'est fini, Abayashi, Abayashi, Abayashi, c'est pour tous ceux qui crient Abayashi, Abayashi, Abayashi, Versailles on t'a fumé.

قلبي حنين على المحبوب دموعي سيالم ظلم على المحبوب بقلبي مستنيك يا غادي شهور الزيبان صد الجلالة اغسلها يا المحبوب ماني ناسيك قمحي صعيب على الكيالة يا الغالب شوف بعيني ربي نبي رباني زعيم على القناعة في قبره نترحم عليه حليم قليل جابوني رجالة والفقر تربي نبي رباني زعيم على القناعة وفي قبره نترحم عليه Sarkozy. Sarkozy. Shelf ladsman by all accounts, getting high in the spring like a pollen count. A small amount of peas with the heart of trout. You don't know what it's all about. The editor, fearsome competitor, etc. But has run in the scene for years. Fed over Sampras, grand slams, advancing up through the rank and packs a blank canvas. High control domination, toying with the opposition. Drop and give them 20, that's the cost of living. With a misplaced sense of confidence and optimism, stop your bitching. Value up the proposition. F predicate logic, off topic. Rhetoric, hard caustic, edible boss. Stop it. Certified purveyor of the raw spit. Ascending to the throne forthwith. You don't know. Pull the difficulty lever into level ill. The preference on the weapon always set to kill. Extension of the self, keep it meta real. You don't know. And you never will. Bound to crush all night like a pepper mill. With the record beaten, reading on the decibels. Jezebel's chasing Leo Messi's skills like a record deal. Well, then it's sealed. Can it build slowly till the vocals play? Bet your ass it can, homie, it's the only way. Pure, untouched, naturally grown and aged. And I'll be a fool to say it's all over. A beautiful picture still in my mind. Happened in my last fight, friend. Hey, bloodsuckers crushed by the size 10s. Now they 12s, bra, big footed guy. Too hot for you, lot. Hit him with the ice, then, my friend. You don't know. Cypress. On a knife's edge, wonder where the time went. Green asparagus, aioli with the lime zest. Quite fresh, quite a fair amount. Better than the rest. Severing of heads, settling the beds, yeah. Dedication meter off the Richter scale. Born leaders of the people with a spittle brain. Even if equipment fails, we're hitting rails. You don't know. So listen well. By the fireplace, weave another gripping tale. Written with the pen acquired through illicit sale. True detective versus Riverdale. Give him hell, Studrick. You don't know what love is until you really fall in love one time. You don't know what love is until you really fall in love one time. Oh, you don't know. My bad, boys. Maybe we got started on the wrong foot there. Le Chantier, 98 FM. themselves, doing something for themselves. Everybody should get busy. Don't wait on no one else. Don't wait on no one else. Get up, get up, get up, get up. You've been sitting down too long. Get up, get up, get up, get up. You've been sitting down too long. Get up, get up, get up, get up. You've been sitting down too long. Get up, get up, get up, get up, and listen to my song. Who's got your children when you're busy getting down? Who's gonna teach them when you're outside fooling around? Don't let nobody put them down. Their life's too precious for nobody to be pushing around. Only God can help us on the poorer side of town. Everybody getting busy, doing something for themselves, doing something for themselves. Everybody just get busy, do something for yourself. Don't depend on no one else. Get up, get up, get up, get up. You've been sitting down too long. Get up, get up, get up, get up. You've been sitting down. Been sitting down too long. Get up, get up, get up, get up, and listen to my song. Come on, people, don't depend on no one else. Come on, people, just do something for yourself. Come on, people, don't be hanging on a shelf. Come on, people, you can't be no one else. Get it up, get it up, get it up, get it up, get it up. Écoutez Le Chantier à Clermont-Ferrand sur 98 FM ou sur lechantier.radio. Les gens modérés, le bon sens en action. Les avis pondérés, Emmanuel Macron, tous ces cons bien rangés dans leur pavillon. des mecs tout bourrés en pleine discussion. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Get old. There's a light, there's a light, let it in. Something like that. Vous écoutez Le Chantier. Merci pour les miettes de toi que tu distilles, dépose ça et là. Je les picore comme une affamée, une faim tenace, jamais rassasiée. Merci pour tes mots glaçants dont tu dessines le pourtour. Comment enrober d'amour alors qu'ils sont nus et tranchants. Il y a longtemps que j'attends tes mains, tes bras, un geste. Je compte les minutes qui passent alors que tu recules lentement. Merci de rien. Autant que moi de me scotcher, je te colle, j'avance, je tends les doigts vers toi. Alors que fuirait ta devise, ton froid hivernal est de mise. J'ai cherché sous les couches de la couette qui console quand ta peau recouverte de moi se décolle. Dans mon ventre, la bulle d'air ne fait que grandir. Si cette terre avait un poids, j'approcherais l'obésité. Mais l'air ne pèse rien, et toi tu n'apaises rien. Même les chats, même les chiens sont plus doux que tes mains. J'ai envie de hurler, pourquoi ne pas m'aimer, mais mes mots, même crier, ne feront que t'effleurer. Mais mes mots, même crier, ne feront que t'effleurer. Ça me retourne les ovaires que tu ne puisses pas me toucher, même pas me regarder. T'as dit que j'étais ta cerise sur le gâteau, mais moi je voulais une cerise sans noyau. Sucrée, juteuse, mûre et chaleureuse. Alors que je me prends les flancs sur ton indifférence, que je casse mes mots sur ton armure de sens, ton absence de réponse. Trop l'indécence, ton absence de chaleur accentue mes carences. Il ne reste de moi que mes mots dans le vent. Patience, mes accords, de rien, rien du tout, mes massages, mes dollars, de rien, merci. De rien, rien du tout, de rien pour mon corps, de rien, rien du tout, ma patience, mes accords, de rien, rien du tout, mes massages, mes dollars, de rien. So we pretty much peas in a pod. I was at the scene, had to flee from the cops. I go inside with no keys for the locks. Excuse me, madam, how did you get on the premises? Well, I came to kill off my nemesis, so I used my juju when I came up in the crevices. Them bitches say they're bad, but I'm from where the fucking devil is. So if they get me mad, we're in the yard disturbing residence. Then we leave out the yard, up in the car, disposed of evidence. Cause nobody bad like us. Nobody bad like us. But really, we don't want no fuck. Someone roll them blunt so we can turn shit up. Squally, let me see you brush your guns. I'm rolling 10 gear up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 gear up in that squad. That's true with the Klein, came true with the posse. I came with Mary Jane's, I'm came in it with Molly. Nuff girl in it, that's the way you roll, squaddy. Nuff girl in it, that's the way you roll out. If the line's good, you have to get your phone out. Bare skin teeth when we pose for the photo. Some girl are braided, some girl are in cornrows. But still, one dread if we have to. The heart is still like a statue. Been on my grind like my back tooth, yeah. Take out the time, but I fight zoots. What else? Step on the gas, take the back rooms. Why? Cause if my bitches need me there, well, I'm coming. And if I ain't got the witch, yeah, I'm running. I do it for him, it ain't nothing. Squad, hey, let me see you brush your son. I'm rolling 10 gear up on that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 gear up on that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 gear up on that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 gear up on that squad. That's what? That squad. Ça a l'air bien d'être toi. Comment tu vis, comment tu danses. Comment tu parles et comment tu penses. Comment tu bouges l'air de rien. Et tous les airs que tu prends me rendent folle. Comment tu ris, comment tu marches. Comment tu montres et comment tu caches. Comment tu parles l'air de rien. Et chaque fois que tu danses, je me sens. Ça a l'air bien d'être toi. Comment tu brilles, comment tu vibres. Comment tu me sembles être libre. Peut-être que je suis conne, mais bon, quand je te vois, ça me rend trouble. Comment tu vois, comment t'écoutes. Comment tu apaises mes doutes. Comment j'aimerais être toi. Comment j'aimerais être toi. Croque à pleine dans ton cou. Toi tu fais un pas dans le game. Et on peut plus te résister. Chaque fois que t'es là, moi je panique. Peut-être que je suis conne. Peut-être que je suis fou. Comment j'aimerais être toi. Comment j'aimerais être moi. Gratte, j'ai mon désir qui m'abîme. Comment je fais pour résister. Comment je fais pour être toi. Chaque fois que j'y pense, je me sens con. Peut-être que je suis folle. J'espère que tu changeras jamais. Je pourrais pas être toi. Comment tu fais pour être toi. Le chantier. Vous écoutez Le Chantier ? Oui, oui, oui, on fait de la politique avec un grand P. Il est 16h. Le Chantier. Se perd, les coups se perdent, le sang glisse, les veines coulent. suis la drogue de tes caresses. Laisse-toi aller, laisse-toi tomber, laisse-toi glisser, laisse-toi triper, laisse-moi te dire, ne sois pas lasse, que ton palace, c'est bien moi. Laisse-toi aller, laisse-toi tomber, laisse-toi glisser, laisse-toi triper, laisse-moi te dire, passionnément, que je les aime. Le chantier. Écoutez, c'est nouveau, c'est sur le chantier. Mr. Conflict, I've been losing my mind for a while. And I'm new here still, but I get angry from time to time. Don't misunderstand my mind. Get it done, make it solved and figure it out. Mr. Conflict, you made me lose my mind tonight. And there's no le monde va mal. la liberté. Les réfugiés. L'obésité. Les délaissés. Le monde. Le monde. Quand ça fait ma l'animal mort. Quand ça fait ma l'animal seul. Le monde misogynie, ma, l'homophobie, ma, les dictatures, ma, la non-culture, ma, le nucléaire, ma, l'ours polaire, ma, crédit social, ma, délit facial, ma, les idées, ma, la libido, ma, les pronostics, ma. preaching to the choir. Ain't no fun preaching to the choir. Le chantier 98 FM. Retrouvez toutes les références des titres diffusés à l'antenne sur notre site internet lechantier.radio. Free. I saw him twice, but he's not like me now. But when the sun turns black, the anger wakes, the demon I don't wanna fight. Le chantier à Clermont-Ferrand sur 98 FM et à Saint-Denis de la Réunion sur 104.2. to the place I know, welcome to the place I know. Make the changes you do. Fall into the way I love, show me better love, and make the changes you do. Find me on the days that I've been resting, love. I love you, I love you for days. I've been around you all these days that I've been risking all. I love you for days. So come in, I love you. Take off your chains. So come in, I love you. I know, welcome to the place I know. Make the changes you do. Fall into the way I love, show me better love. Make the changes you do. Find me on the days that I've been resting, darling. I love you for days. I've been around you till these days that I've been resting on. Vous écoutez Le Chantier à Clermont-Ferrand sur 98 FM ou sur lechantier.radio.

Le chantier. La quatrième saison de l'émission Terrain Social s'ouvre avec le philosophe Alexandre Monin, un des penseurs de la redirection écologique. Et d'une certaine manière, les faire reconnaître en tant que commun négatif pour qu'on ne les multiplie pas, voire qu'on abandonne les bassines existantes. Il nous invite à renoncer pour le bien commun. Terrain Social. Rendez-vous ce lundi 23 octobre à 17h30. Sur le chantier, chaque morceau est un morceau de bravoure. Le chantier. Les voix nouvelles. Vous écoutez Le chantier. Ça risque d'être bon. Il est 17h. On sait pas ce qui peut arriver. Le chantier. Yeah, I'm a criminal. have some extra sugar I could keep. I have so many questions, like what's it like to be? Cause I've been having trouble letting myself see. See, see, see. The beauty in the things I speak. The way my hands hold my dream. The crooked nature of my teeth. Just take a bite. Les nouveautés du chantier avec Laurent Thor. En matière de songwriting, le label français Talitre est certainement une référence majeure. Lui qui a pu inscrire dans son catalogue des œuvres de groupes et musiciens aussi emblématiques du genre que Idaho, Lesh ou encore Emily Jane White. Parmi ces entités passionnantes, il faut souligner le groupe Ralph Band, emmené par l'anglais Holly Ralph. Et comme souvent avec Talitre, une grande histoire de patience, de continuité, de fidélité, puisque le premier album de Ralph Band était réédité en France par Talitre en 2007, avant la sortie en 2008 du second, et presque 15 ans plus tard, l'annonce du prochain Achilles Was a Hound Dog, toujours sur Talitre, bien sûr. Un single introduit avec ferveur ce nouvel effort long format, parfait exemple de la vitalité intacte du songwriting actuellement. Qui n'appartient décidément pas au passé, bien au contraire. Le morceau Pale Fire ne fait pas les choses à moitié. L'expression vocale d'Holly Ralph est entière, tonique, vivante et libérée. Elle incarne les mots avec une théâtralité simple et organique, loin du maniérisme et des effets de style. Dans cette chanson aussi émouvante que mystérieuse, aussi stimulante que malicieuse, l'artiste semble affronter les effets de la nostalgie dans un délire poétique et surréaliste, installant un étonnant équilibre entre mélancolie, malice et lucidité.